bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures et durant ces deux belles heures de rock progressif, bien, on va entendre Roger Waters, on va aussi connaître Il Sergio d'Oro d'Italie, Cellar Noise d'Italie, un nouvel album de Premiata Forneria Marconi, aussi connu sous le nom de PFM. Alors, c'est un album inattendu et on va vous en présenter un extrait. On aura aussi Wanietula d'Allemagne, Adult Cinema d'Angleterre, Aperco d'Israël. Nous aurons TEE du Japon, Fruteria Tony d'Espagne, Saul Nima d'Israël et on va conclure avec une demande spéciale, Sons of Apollo des États-Unis. Alors, pour l'album de la semaine, je vous ai préparé des extraits de Roger Waters, son album Is This the Life We Really Want? C'est un album qui nous a été présenté à la fin de l'été, début de l'automne, et ça a été un petit peu avant qu'il nous présente ses spectacles à Québec et à Montréal. J'aurais pu proposer l'album dans cette période-là, mais j'ai préféré attendre que le battage médiatique soit disparu et qu'on se concentre sur ce que le musicien fait de mieux, de la musique. Alors, son nouvel album, c'est un album de 54 minutes, composé de 12 pièces, puis il est supporté par 10 musiciens aguerris. Et ce qu'on va entendre, c'est Picture That, Broken Bones, Smell the Roses, Wait for Her et Oceans Apart. Alors, voici Is This the Life We Really Want? As you lean on the port rail, tossing away your last cigarette. Picture your finger pushing the doorbell. Picture the skull and crossbones on the doormat. On the streets of Laredo, picture the Casbah, picture Japan, picture your kid with his hand on the trigger, picture prosthetics in Afghanistan. No fucking laws. Picture a cat house with no fucking whores. Picture a shit house with no fucking drains. Picture a leader with no fucking brains. Picture my hand. turning the key. Picture the tree at the side of the road. Picture my hands growing steadily colder, colder. I stare at the night sky. See them stars a billion light years away. And it makes me feel small, like a bug on a wall. Who gives a shit anyway? Who gives a shit anyway? slate was never wiped clean. We could have picked over them broken bones. We could have been free. But we chose to adhere to abundance. We chose the American dream. And all mysteries, liberty. Say fuck you, we will not listen to. Where they put your name on the bone. Here's where they bury the bone. buts and the ifs, and scratch out words like right, wrong. Wake up and smell the phosphorus. This is the moon we keep a human head. Don't ask, don't tell, it could mean a loss for us. Yeah, a little is cash in the stash in the cupboard at the bottom of the stair. Money, honey. Glass inlaid with gemstones on a pool around the evening, among the perfumed roses, wait for her. With the patience of a pack horse, loaded for the mountains, like a stoic noble prince, wait for her. With seven pillows laid out on the stair, The scent of woman's incense fills the air. Be calm and wait for. And do not flush the sparrows that are nesting in the braids. All along the barricades, wait for. And if she comes so, wait for her. And if she comes late, wait. Let her be still. Alors, c'était Roger Waters avec 5 extraits de son plus récent album « Is This the Life We Really Want? » On a entendu « Oceans Apart »,« Wait for Her »,« Smell the Roses »,« Broken Bones » et « Picture That ». Disons que c'est énuméré un peu rapidement, mais je vous réfère à la page Facebook de l'émission Rock de Neurones si vous voulez consulter la nomenclature de tous les groupes, les pièces, les albums. Je vous invite à consulter la page. Alors, après la pause, un trio italien. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, je vous propose un trio de groupes italiens qui ont la particularité d'avoir enregistré cette année chacun un album, donc en 2017. Il s'agit de Il Sergio d'Oro. C'est un groupe qui est né en 1974, mais ils ont indiqué seulement à partir de 2006. Et ce qu'on nous propose aujourd'hui, bien, c'est Il Fuoco Sotto la Cenere. C'est le quatrième album studio du groupe. On va poursuivre avec Cellar Noise. C'est un nouveau groupe de jeunes musiciens qui sont parrainés par Fabio Zuffenti et qui ont été signés par AMS Records, qui est dans le fond la pépinière de jeunes groupes italiens là, qu'on peut trouver. L'album s'intitule A Light, alors je vous propose un extrait de cet album-là. Et assez inattendu, on a un nouveau Premiata Forneria Marconi, c'est Emotional Tattoos. Il vient en CD double, c'est-à-dire une version italienne. Et avec la même musique, bien, il nous propose aussi une version anglaise. Et ce que j'ai pu lire, c'est que les deux versions ne traitent pas des mêmes sujets. Alors il y a une variété là. Et ce qu'on va entendre, c'est la pièce Il Regno. Alors, on débute ça avec Il Sergio d'Oro, Cellar Noise et ensuite Premiata Forneria Marconi. Thank you. ci sono giorni in cui non c'è niente che va. Ti perdi un po' d'animo, c'è qualcosa che rode dentro di te. Non vuole mai smettere. Scala finché vuoi, ma un motivo non c'è. È inquietudine, non ti lascerà se ti mostrerà. Prima o poi si sa, rogo di me. giorni ad aspettare un segno. 100 e più domande per capire il regno. Nell'immenso tutto gira, ma non sai che la quiete vera non arriva mai. Giorni attesi, notti e lampi di poesia. Le stagioni se ne vanno via. Ho imparato a coltivare gli attimi, trattenerli, liberarli nei miei giorni bui. E che la vita corre, e dove nessuno lo sa, come una goccia scava e solo il mare la abbraccerà. E adesso vivo con te, e sono vivo con te. Posso sentirti dentro, sono al centro della terra. E adesso vivo con te. Con te, e sono vivo con te. Alors, c'était la nouveauté de Premiata Forneria Marconis. La pièce s'intitule Il Regno et c'est tiré de Emotional Tattoos, qui est leur plus récent album, le 20e en leur carrière, et c'est paru il y a quelques semaines. Ça a été précédé d'un autre groupe italien, Cellar Noise, et ce qu'ils nous ont proposé, bien, c'est un premier album. L'album s'intitule A Light, et la pièce qu'on a entendue, c'est Dive With Me. Et en début de bloc, nous avions une nouveauté aussi avec El Sergio Doro et la pièce titre de l'album Il Fuoco Sotto la Cenere. Alors après la pause, Wanietula d'Allemagne, Adult Cinema et Aperco. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici donc rendus au troisième bloc de l'émission et on va débuter ça avec un groupe assez inconnu. En fait, j'ai découvert ça en fouillant sur Internet. C'est un groupe allemand. Le nom du groupe, c'est Wanietula, dans un seul mot. Et c'est un groupe qui a disqué, en fait, en 1978. Et puis, ils ont fait un deuxième essai en 83. Et en 83, l'album s'intitulait « A Dream Within a Dream ». C'était un ouvrage consacré à Edgar Allan Poe. Mais un petit peu avant, il y avait eu un dénommé « Alan Parsons Project » qui avait fait « Tales Mystery and Imagination » de Edgar Allan Poe. Et ça a un petit peu coupé les pattes de ce groupe allemand-là. Et ils sont disparus. Et en 2006, il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée de faire un coffret, compilation. La compilation s'intitule Iron City et j'ai extrait de ça Valley of Unrest. Ensuite, nous aurons un extrait d'un album qui, en fait, c'est pas un groupe, mais c'est un agrégat de plusieurs pièces qui ont été composées pour des films. Et ça s'appelle, l'album s'appelle Adult Cinema. Et moi, je vous propose Super Cool. Super Cool qui est extrait, ben, en fait, qui est comparé à This Is Your Life. C'est pas quelque chose que je connais, c'est des émissions de télévision britanniques. Et on va conclure avec Aperco, qui est une découverte que j'ai faite cette année, en fait, l'année dernière. C'est un groupe d'Israël. Et ils ont paru un seul album qui s'appelle The Battle et je vous propose la pièce Awaken. Alors on débute ça avec Wanietula, un petit retour en 1978. It smiled in Sandell, where the people did not dwell. They had gone unto the wars, trusting to the mild-eyed stars. We'll be right back. catch me if you can, but I don't think you will. Cause I am super cool and I thrive on the thrill, and I might just kill. So if you wanna know my name, then you gotta be insane. Yeah, you gotta be a fool. But don't break my rules, cause I am super cool. pale, I must confess. I've lost control and hit the ground. To be true, I'm just a simple man. Fell in. Find someone to blame. I'm waking all the thoughts that I have let to rest. Reality is lightened up at last. Ce que vous venez d'entendre, c'est la formation israélienne Aperco et la pièce Awaken. Et ça, c'est extrait de leur seul album paru en 2016, The Battle. Et juste avant, nous avions Adult Cinema et la pièce Super Cool, extrait de This Is Your Life. C'est un album unique de ce groupe-là qui est paru en 2007. Et en début de bloc, nous avions un retour en 78 avec le groupe allemand Wani Yetula et la pièce Valley of Unrest. Et c'est extrait du coffret Iron City. Alors après la pause, T, Fruteria Tony, Saul Anima et Sons of Apollo. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neuron avec Jimmy Farley. Alors, on débute le quatrième bloc de l'émission avec une formation du Japon dont l'acronyme T veut dire T-E-E veut dire The Earth Explorer, et ils ont deux albums, un en 2009, un album homonyme, et en 2012, ils ont produit Trans Europe Expression, et c'est extrait de cet album-là que je vous propose la pièce Stromboli. Et en deuxième, nous aurons un groupe d'Espagne, Fruteria Tony. En fait, j'ai fait jouer la semaine dernière un premier extrait de cet album-là qui est assez surprenant. Et aujourd'hui, je vous propose la pièce titre de l'album Tengo Mis Días Buenos. C'est leur deuxième album, le premier qui est apparu en 2014. Et ensuite, une autre formation, un retour en Israël avec Saul Anima, qui viennent de faire paraître Of Clans and Clones and Clowns. Ça, c'est leur deuxième album. C'est un groupe qui existe depuis 2001, en fait. Et avec en fait, du côté enregistrement, ben, on a Thin Ice Crawling en 2010 et l'album que je vous ai nommé tantôt qui vient juste de paraître. Et en fin de bloc, nous avons une demande spéciale d'une auditrice de Bécancour, Julie Couette. Elle nous demande un extrait du premier album d'un nouveau groupe. Le groupe s'intitule, en fait, le nom du groupe, c'est Sons of Apollo. Julie Couette de Bécancour est une admiratrice, je crois, assez dédiée à Mike Portnoy. Mike Portnoy qui est le batteur de ce nouveau groupe-là, Sons of Apollo. C'est du métal, mais personnellement, comme animateur, je ne déteste pas le métal lorsque c'est bien fait. Et pour que ça soit bien fait, ben, en général, on a juste à regarder le curriculum vitae des musiciens. Alors, Mike Portnoy de Dream Theater, qui s'est adjoint d'Eric Sherinian aussi, qui était le claviériste de Dream Theater. Ils se sont adjoints le guitariste Ron Tal de Guns N' Roses, le bassiste Billy Sheehan, qu'on a vu aussi avec Terry Bourzio, et le non moindre Jeff Scott Soto, ex-chanteur de Journey. Alors tout ça, ça fait un album assez généreux. Je ne me souviens pas de la durée, mais en tout cas, il y a plusieurs pièces. Et puis la dernière, c'est Opus Maximum, et ça va clore l'émission. Alors on débute ça avec T.E.E. We'll be right back. Alors, c'est sur les notes de Sons of Apollo que je dois terminer l'émission et je souhaite que vous avez apprécié. Et c'est Jimmy Farley qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une 172e émission de Rock de Neurones. D'ici là, bonne semaine.